إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui inshallah le cours الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. نعم, c'est un livre écrit par le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, qui est décédé justement il n'y a pas trop longtemps, et c'est une grande perte pour la Ummah. Et le Cheikh, il a écrit ce livre, en réalité c'est une réfutation d'une personne anonyme qui avait téléphoné un de ses proches pour lui faire une nasiha. Et donc lorsqu'on lui a demandé de se nommer, ben, cette personne a refusé de se nommer. Et donc elle a envoyé indirectement cette nasiha au Cheikh Ahmed al-Najmi. Et donc en fait cette réponse est une réfutation de cette nasiha, de cette soi-disant nasiha qui avait été donnée au Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc le texte de la nasiha, il est mentionné dans l'introduction. Le Cheikh dit بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أو على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الباعث على هذا الرد هو ما كتبه إلي أحد الأقرباء بقوله فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد. فقد كلمني رجل لا أدري من هو ولا من أي مكان هو, لأنه كلمني بالهاتف وأبى أن يفصح عن اسمه ومكانه, وسألني بقوله أنت قريب للشيخ أحمد النجمي؟ قلت نعم. قال نريد منك أن توصل له هذه الرسالة وهي في حكم النصيحة. Donc ça c'est l'introduction qui est mentionnée dans le livre par le Cheikh. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit que la base de cette réfutation là est qu'est-ce qu'un de ses proches lui avait écrit en disant au Cheikh Ahmed al-Najmi hafizahullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd. Donc c'est un de ses proches qui écrit au Cheikh et qui lui dit il y a un homme qui m'a appelé, je ne sais pas qui il est et je ne sais pas non plus de quel endroit il m'a appelé, excepté qu'il m'a appelé au téléphone et il a refusé de dire son nom et il a refusé également de dire de quel endroit il téléphonait, et il m'a demandé est-ce que j'étais un proche du Cheikh Ahmed al-Najmi, et j'ai répondu oui, je suis un proche du Cheikh Ahmed al-Najmi. Et il a dit que il voulait que je vous fasse parvenir cette lettre ou ce message, et c'est une chose qui doit être prise comme une nasiha, d'accord, comme un conseil, un bon conseil. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Alors, continuez ensuite. Il dit قلت له انظر في الامر مراعاة للادب مع العلماء فقال ان للشيخ مكانه كبيره في قلوب في قلوبنا نحن الشباب وكذلك في قلوب العامه باعتباره فقيها محدثا ومفتيا اتاه الله من العلم ما يعلمه الجميع الا انه لوحظ عليه في الفتره الاخيره كثره تركيزه على اسلوب الحديث عن الجماعات والاحزاب وما إلى ذلك مما لا يستفيد منه الشباب ولا يفهمه كثير منهم ولا من العامة وهذا أسلوب لم يتبعه كبار علمائنا مثل الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد العثيمين والشيخ صالح الفوزان ونحن نعتبره من هؤلاء ومكانته لدينا مثل مكانتهم ولقد تتبعنا معظم أشرطتهم وكتبهم ومحاضراتهم فلم نجد إلا اليسير جدا في هذا الموضوع حسب ما تقتضيه الحاجة فقط أو ردا على الأسئلة في حدودها. Donc en fait c'est la suite de la lettre. Le proche du Cheikh Ahmed al-Najmi il a dit regarde, analyse la chose, parce que tu dois avoir un bon, on doit avoir un bon comportement envers les ulama. Donc il faut voir de quelle façon tu vas dire ça. Donc il a dit quoi, la personne qui donne sa nasiha? Il a dit que le cheikh, il a un statut très important, une grande place dans le cœur des jeunes, et en particulier et également chez les gens ordinaires, chez les musulmans en général, il a une grande place parce qu'il est considéré comme étant un grand savant dans le fiqh, dans le hadith, et c'est un mufti, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande science, beaucoup de science que tout le monde connaît, excepté la personne dit excepté qu'on a remarqué dans les derniers temps que le cheikh, il se concentre beaucoup sur le sujet de parler des groupes et des partis. Et il dit ça, c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour les jeunes, et que la plupart des gens parmi ces jeunes là et parmi les gens ordinaires, parmi les musulmans, ne comprennent pas. Donc il dit, la personne qui donne cette nasiha, elle dit, et ça c'est une méthode ou un style que les grands ulama n'ont pas suivi. Nos grands ulama, comme le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, le Cheikh Salih al-Fawzan, et nous, il dit ceux-là, ils n'ont pas suivi cette voie-là et cette méthode-là. Et toutefois, on considère le Cheikh Ahmed al-Najmi comme faisant partie de ces grands savants-là. Et il a la même place dans nos cœurs et pour nous que la place de ces grands savants. Et toutefois, on a vu que dans la plupart de leurs cassettes, dans la plupart de leurs conférences et de leurs cours, on ne trouve pas de cette concentration-là sur le fait de parler contre les groupes et les partis, excepté un peu de ça qu'on retrouve selon les besoins ou bien par réponse à une question qu'on leur pose. Donc, la personne essaie de dire que, on retrouve pas cette critique des groupes aussi de façon aussi claire ou de façon aussi constante chez d'autres ulama, et donc ils critiquent le Cheikh al-Najmi, Ahmed al-Najmi rahimahullah, pour le fait qu'il se concentre trop à son goût sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que le Cheikh, ensuite la lettre, qu'est-ce que ça dit ensuite? Ça dit ولا أخفيك أن تركيز الشيخ على هذه المواضيع أثرت على مكانته في قلوب كثير من الناس قد يصل الحد عند ضعفاء النفوس وبعض الجهلة أنه يسقط من أعينهم لذا نرغب أن تبلغ الشيخ أننا نرغب منه أن يترك هذا الأسلوب غير اللائق بمثله وإذا سئل عن شيء من هذا فليجب بما يراه في حدود السؤال فقط هذا معنى الرسالة donc انتهت الرسالة وهذا بمعنى الرسالة نعم فلا qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il dit je te cache pas que le cheikh à cause du fait qu'il se concentre sur ces sujets-là ça a eu un effet hein ça a eu un effet au sujet de, sa, du, de l'importance qu'il a dans le cœur des gens et c'est, ça a atteint un niveau que et un, c'est arrivé à un tel point que pour certaines personnes eh bien il est tombé de, pour eux ils considèrent comme s'il est tombé de, à leurs yeux il n'a plus la même place qu'il avait auparavant et il y en a dans leur cœur parce qu'ils parlent de ces choses-là et donc il dit nous souhaitons que vous transmettez au cheikh de lui dire qu'il doit abandonner cette voie cette méthode qu'il a ou cette tendance qu'il a qui ne convient pas à quelqu'un de son niveau et lorsqu'il est questionné sur ces questions-là, il peut répondre dans les limites de la question qui lui est posée seulement. Et donc, ça, c'est la fin de cette nasiha de cette personne-là. Et c'est la signification, en gros, de cette nasiha de la part de cette personne anonyme qui a refusé de se nommer. Et donc, à partir de cette nasiha qui a été envoyée, et bien maintenant, le cheikh il va commencer à faire sa réfutation au sujet de cette nasiha. Et on va voir comment il va clarifier et expliquer le manhaj, le manhaj des salafs au sujet de cette question. Et il va nous faire comprendre en même temps l'importance de clarifier la vérité et de parler et de dire aux gens qu'est-ce qui a rapport avec ces questions et on va voir en même temps alhamdoulillah comment tout ça a été expliqué de façon très très claire par le cheikh Naam. Donc le cheikh il dit فضيله الشيخ لقد ترددت كثيرا في حمل هذا الكلام اليكم لعلمي ان صغار الطلبه ان صح التعبير لا ينبغي لهم التقدم بين يدي علمائهم في مثل هذه الامور ولكني رايت مؤخرا ان اكتب لك الموضوع كتابه لاتمكن من نقل الفكره بدقه وللإحاطة ببعض مرئيات الكثير من الشباب طمعا في كلمة توجيهية إنهم أخطأوا في ذلك أو إبداء وجهة نظركم التي ترونها وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام كتبه أبو محمد علي بن بشير النجمي Donc, la personne qui est dans la famille du cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, noble cheikh, j'ai hésité avant de vous transmettre cette parole, parce qu'on sait très bien que ça convient pas à des petits étudiants débutants de se présenter devant les ulama avec ces sujets-là et ces questions-là. Mais il dit que, étant donné que, j'ai vu que ça pouvait peut-être être quelque chose de bien pour vous, que je vous transmette ce sujet-là par écrit pour que je puisse vous transmettre l'idée de façon précise pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans l'opinion de certains de ces jeunes-là. En même temps, en souhaitant ou en espérant que vous donniez ou que vous faisiez une petite orientation, de dire une petite parole à ce sujet-là. S'ils se sont trompés à ce sujet-là, de leur faire part de votre point de vue. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous donne le tawfiq et qui nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Wassalam et la paix. Donc le cheikh, il commence sa réponse. Il dit بدأ الجواب وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين المعرضين عن نهجه المتبعين لغير حجة على المعاندين المعرضين عن نهجه المتبعين لغير سبيله وسبيل المؤمنين قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا أما بعد. Donc avant de commencer à lire ça, j'ai juste clarifié ou expliqué aussi en même temps peut-être pourquoi j'ai choisi d'expliquer ce livre ou de prendre ce livre-là pour faire un cours avec. Eh bien, une des raisons pourquoi j'ai décidé et j'ai choisi ce livre, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un des livres qui traitait du sujet de façon vraiment claire et qui donnait des bons exemples. Et aussi parce que actuellement, on retrouve beaucoup de critiques de la part de certaines personnes qui, lorsqu'on critique ou lorsqu'on explique la position, Ahlus Sunnati wal Jama'a par rapport à certaines bid'ah et à certains groupes, ils commencent à sortir des excuses et des prétextes qui n'ont rien à voir avec l'islam ni avec le Coran et la Sunna pour essayer de mettre des bâtons dans les roues des gens et de leur dire non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, les gens ne comprennent pas. Donc le cheikh, il a tellement bien expliqué et clarifié et donné beaucoup d'exemples et de preuves pour supporter c'est son point de vue, donc je pense que ça va être une source de clarté, Yanni, de clarification pour beaucoup de frères, alhamdulillah, et beaucoup de sœurs, et beaucoup de monde, inshallah. Donc, le cheikh, il dit, « Aqulu ba'da hamdillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uthu rahmatan lil'alamin. » Donc, le cheikh, il dit, donc, après avoir dit Alhamdulillah et après avoir envoyé le salut et la paix sur notre prophète, celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes et une preuve contre les opposants qui se détournent de sa voix et de la voix de ceux qui ont suivi sa voix, la voix des croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une rahma et comme une hujja en même temps. Comme une rahma, c'est-à-dire une miséricorde, et comme une hujja, c'est-à-dire une preuve contre ceux qui refusent la vérité. Et il mentionne le verset, c'est le verset 115 dans Surat An-Nisa. Et quiconque se fait scission d'avec le messager, après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Amma ba'd, fa inni ahmilu hadha al-muttasil, wa hammil hadha al-muttasil al-majhul alladhi aba an yusammi nafsah, ahmiluhu ala al-salama, wa annahu innama hamalahu ala hadhihi al-nasiha, al-ishfaq ala al-mansuh. حسب زعمه من أذية الحزبيين أصحاب المناهج الحزبية المبتدعة لأنهم من عاداتهم أو من عادتهم أنهم يتحمسون لنصرة منهجهم الباطل فيؤذون من انتقده وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى يومنا هذا قال الله تعالى عن قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وقال موسى عليه السلام وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون مع أن المتبادر إلى الذهن هو أن هذا المتصل هو نفسه من الحزبيين وأنه إنما أراد بفضيحته هذه التي سماها نصيحة إنما أراد بها التهديد. وعلى كلا الاحتمالين فأنا متوكل على الله مؤمن بقضائه وقدره لا يمنعني من النصح إن شاء الله تهديد ولا وعيد. وأسأل الله أن يوفقني إلى أداء النصيحة إخلاصا له وعملا بطاعته وامتثالا لأمره وحرصا على نيل رضاه جل وعلا حتى ألقاه. Donc ici on voit le cheikh qui dit je porte ou je pense que qu'est-ce qui a amené cette personne-là qui m'a contacté de façon anonyme et qui a refusé de se nommer, qu'est-ce qui l'a amené à me faire cette nasiha, et il prétend qu'il a fait ça par crainte pour moi ou parce qu'il me veut du bien. En réalité, il a fait ça uniquement selon ce qui est apparent, parce qu'il ne veut pas qu'on nuise à la da'wah des hizbiyyin et aux gens qui suivent des manahij qui sont contraires à la sunna et qui sont mubtada', c'est-à-dire qui sont innovés. Parce que c'est de leur habitude, à ces gens-là qui suivent des voies de bid'ah et des groupes de bid'ah, de vouloir venir au secours et porter secours à leur groupe et à leur manhaj, à leur voie qui est fausse, et de faire du tort et essayer de nuire à ceux qui les critiquent. Et ça, c'est l'habitude de la plupart des gens qui suivent le faux et qui suivent le mensonge à toute époque et à tout endroit, depuis l'époque de Noé jusqu'à aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du peuple de Noé dans le Coran, le verset 116 dans sourate Al-Shu'ara, il dit: et ils ont dit, ô Noé, si tu ne cesses pas d'avertir les gens contre le shirk et d'abandonner l'idolâtrie, etc., eh bien tu seras certes parmi les lapidés. Donc ils étaient en train d'essayer de menacer Nuh, parce qu'il était en train de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les menaçait de le lapider. Et la même chose a été dit à Moïse, Moussa alayhi salam, dans le verset, dans Surat al-Dukhan, verset 20 et 21. Il dit: et je cherche refuge en mon Seigneur et votre Seigneur, que vous me lapidiez, et si vous ne croyez pas en moi, alors laissez-moi partir. C'est pour dire qu'il craignait de leur part qu'ils voulaient le tuer. Ma'a'a, il dit, d'après ce qui est plus apparent, ce qui vient à l'esprit lorsque on entend le conseil ou la parole de cette personne qui m'a contacté de façon anonyme, qu'il est lui-même parmi les Hizbiyyin et qu'il fait lui-même partie de ces gens-là. Et il a voulu en fait par sa fadiha, qu'il l'a appelé une nasiha. Le cheikh, il dit, c'est une fadiha. En fait, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Une fadiha, c'est comme si, en voulant dire, il s'est démasqué lui-même, il a perdu la face en faisant cette nasiha-là. Parce que c'est comme s'il a voulu, en réalité, par ça, faire une menace. Et de toute façon, peu importe que ce soit ça ou l'autre qu'on a mentionné avant, il dit: moi je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et je crois en sa prédestination et en son décret. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de donner le nusr, de donner le bon conseil, inshallah. Ni les menaces de ces gens-là, ni la peur, ni les menaces ne vont m'arrêter de donner le conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'expliquer aux gens la vérité à ce sujet-là. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner le succès pour transmettre comme il faut la nasiha avec sincérité pour lui et en agissant selon son obéissance et en mettant en application son ordre et avec un désir ardent pour atteindre sa satisfaction يعني jusqu'à ce que je le rencontre, c'est-à-dire que je continue à donner le bon conseil et à faire tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité jusqu'à ce que je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Ensuite, le cheikh il continue et il explique quelques autres points et on va donc continuer. Donc le cheikh il dit إنما سميته فضيحة لأمرين سميتها فضيحة لأمرين. الأمر الأول أن هذا المتصل أبان عن نفسه بنصيحته المزعومة أنه من الحزبيين، فهو بذلك قد فضح نفسه بنفسه. والأمر الثاني أنه يريد مني أن أترك النصيحة، فنصيحته أن لا أنصح وأن لا أبين الحق لمن يجهله، فهذه فضيحة وليست نصيحة، لأن النصيحة هي قول الحق وليست السكوت عنه وترك بيانه. ومن ناحية أخرى هذه النصيحة مخالفة لما أمر الله به ولما أمر رسوله، والله عز وجل أمر ببيان الحق ونهى عن كتمانه وحذر من كتمان الحق ولعن فاعله في غير ما آية، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Donc le cheikh il dit que j'ai appelé cette parole, je l'ai appelée une fadiha. Il dit pourquoi, hein, c'est comme s'il s'est humilié lui-même et il s'est démasqué lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que premièrement, il a montré par lui-même qu'il faisait partie des Hizbiyyin. Hein, donc il s'est démasqué lui-même. Et deuxièmement, il veut dans sa nasiha, se disant qu'il c'est dans sa parole qu'il a nommé nasiha, il veut que je cesse de donner le bon conseil aux musulmans et que je cesse de clarifier la vérité à celui qui ignore cette vérité. Alors ça c'est pas une nasiha, hein, ça c'est une fadiha, hein, c'est une honte, hein, et c'est le contraire de la nasiha qu'il me demande. Parce que la nasiha, c'est de dire la vérité, et non pas de se taire, et de cesser de la clarifier. Et d'un autre point de vue, cette nasiha, elle est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, a ordonné qu'on clarifie la vérité, il nous a interdit de la cacher, et il a averti les gens de cacher la vérité, et il a maudit la personne qui cachait la vérité, dans plusieurs versets, comme par exemple le verset 159 et 160 dans Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre des preuves et de la guidance, une fois qu'elle a été clarifiée aux gens dans le livre, ceux-là, Allah les maudit. Et ils sont maudits par tous les créatures, excepté s'ils se repentent et qu'ils se réforment et qu'ils clarifient. Alors ceux-là, je vais accepter leur repentance et je suis celui qui accepte la repentance et le miséricordieux. Donc, ce verset-là clarifie en fait que toute personne qui cache la vérité, il sera parmi ceux qui sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ولكن هذا المتصل يقول اسكت عن بيان الحق ويزعم ان بهذه النصيحه او ويزعم بان هذه نصيحه، فهل ترون ان الاجدر بها ان يقال لها نصيحه او يقال لها فضيحه؟ اترك الحكم للقارئ. Donc le cheikh il dit يعني donc cette personne qui m'a contacté de façon anonyme, il me dit tais-toi et cesse de dire la vérité. Et il prétend que ça c'est un bon conseil, une nasiha. Alors est-ce que vous trouvez que c'est mieux de l'appeler nasiha ou de l'appeler une fadiha, hein, cette parole qu'il dit? Et il dit je laisse le lecteur juger par lui-même. Ensuite, le cheikh il dit ومن المعلوم عند كل مسلم له حظ من دين أو أثارة من علم أو أثارة من علم وعنده مسكة من عقل أن الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق من الباطل والحلال من الحرام والصواب من الخطأ وأن يدعوهم إلى سبيله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. Le cheikh il dit et tout musulman sait, hein, toute personne qui est musulman et qui possède quelque chose de la religion ou une trace de science et qui possède un minimum de raison, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala a obligé aux savants, a ordonné aux savants et a obligé les savants de clarifier la vérité pour les gens et de distinguer, de leur clarifier la vérité pour qu'ils sachent distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est halal et ce qui est haram, entre ce qui est correct et ce qui est une erreur, et d'appeler les gens à cette voie-là et de leur clarifier la vérité pour que celui qui périsse par rapport à la preuve, et que celui qui vive, hein, vive par rapport à la preuve et qu'est-ce qui est clair et prouvé. C'est-à-dire que la personne qui va réussir et qui va être sauvée, elle va être sauvée parce qu'elle a reçu la preuve, et la personne qui va périr, elle va périr parce qu'elle a choisi le faux après avoir reçu la preuve. Elle n'aura pas d'excuse. Ça, c'est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala dit « لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا » C'est-à-dire, la preuve aura été expliquée et clarifiée pour tout le monde. Il n'y aura plus d'excuses pour personne. Ensuite, le shaykh il dit « وَلَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَثْبَتَ لَهَا الْخَيْرِي عَلَى سَائِرِ الْأُمَمْ لِأَنَّ مِنْ أَبْرَزِ صِفَاتِهَا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وأن من نصح أن لا ينصح قد حاول سلب الأمة من أبرز صفاتها الخيرية وهو جدير بأن يقال له أسكت قطع الله لسانك وشل بنانك لأنك تأمر بضد ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié, a fait les louanges de cette umma, de notre umma, de notre nation, parce que elle ordonne le bien et elle interdit le mal. Hein? Le cheikh il dit Allah a affirmé que cette umma est la meilleure par rapport à toutes les autres nations. Et une des raisons pour ça, c'est qu'une de ses plus importantes caractéristiques, c'est que cette umma, elle ordonne le bien et elle interdit le mal. Et qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui donne le conseil de ne pas donner le conseil, c'est comme s'il a essayé d'enlever à cette umma une de ses caractéristiques une de ses plus importantes caractéristiques et une de ses plus apparentes caractéristiques qui fait d'elle qu'elle est une des meilleures. Et donc, cette personne-là, en réalité, elle mérite qu'on lui dise quoi? Elle mérite qu'on lui dise « Tais-toi, que Allah te coupe la langue, hein, et qu'il fasse que tes doigts soient infirme. Wa shall banana. Pourquoi? Parce que tu ordonnes ce que tu ordonnes le contraire de ce que Allah a ordonné dans son livre et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alam tasma' rabbak azza wa jalla yaqul wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد فهذه الآيات التي قبلها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعذابه. Donc le cheikh il explique, il dit que n'as-tu pas entendu la parole de ton Seigneur lorsqu'il dit dans Surat Al-Imran le verset 187 et lorsque Allah a pris l'entente et le pacte des prophètes hein, l'entente et le pacte avec les messagers d'Allah et les prophètes que vous allez ça c'est par rapport aux gens du livre hein, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte par rapport aux gens du livre il a pris une entente avec eux une alliance avec eux qu'ils allaient clarifier pour les gens la vérité et qu'ils n'allaient pas la cacher et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils l'ont mis derrière leur dos, ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu pour un vil prix. Hein? Et quelle mauvaise chose ils l'ont vendu. Hein? Et il mentionne également un autre verset qui est le verset 174, 175 et 176. Dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui cachent ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala du livre et qui le vendent à un vil prix, ceux-là, ils ne font que manger du feu dans leur ventre et Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et il ne va pas les purifier et ils auront un dur châtiment. Un châtiment douloureux. Ceux-là, ce sont ceux qui ont vendu ou qui ont fait un échange de l'égarement pour la guidance. C'est-à-dire, ils ont échangé la guidance qu'ils avaient pour l'égarement et ils ont échangé le pardon pour le châtiment. Hein? Et comment vont-ils supporter, endurer le feu? Hein? Ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre en toute vérité et ceux qui ont divergé sur le livre sont dans une confusion et dans un problème loin, ils sont très loin dans l'égarement. Donc ça c'est pour vous faire comprendre les versets que le cheikh a dit et il dit le cheikh que le premier verset qui a été révélé était révélé au sujet des gens du livre. Ceux qui ont caché ce qui leur avait été donné de science, hein, au sujet de la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont reçu, ils ont reçu dans leur révélation des descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont caché ces descriptions-là. Et, ils ont mérité la colère d'Allah, hein, et son châtiment à cause de ça. Le cheikh dit wa qala al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir al-ayat min surah al-baqara inma istahaqqa hadha al-'adhab ash-shadid li'anna Allah ta'ala anzala 'ala rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-anbiya' qabla كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويجحدونه ويكتمون صفته. قلت: وليس هذا الحكم وهو ذم الكاتمين ولعنهم وتوعدهم بالعذاب المهين خاصا بأهل الكتاب، بل هو عام في كل من عنده علم شرعي مأخوذ من كتاب الله بواسطة رسله ثم كتمه عن الناس ولم يعلمهم إياه ولم ينصحهم به، فإنه داخل في هذا الوعيد ومتوعد بلعن الله له، ولعن كل من لعن من الملائكة والإنس والجن وغيرهم. Donc le cheikh il dit que Al-Hafiz ibn Kathir, il a expliqué ce verset là dans Surat Al-Baqarah qu'on a lu, et il dit que ces gens là ont mérité le dur châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre sur son messager et sur les prophètes avant lui, hein, et dans leurs livres, de donner la victoire à la vérité et de combattre le faux et de détruire le faux. Mais ces gens-là ont pris les versets d'Allah en raillerie, ils s'en sont moqués, et leur livre leur ordonne de montrer la science et de la diffuser et de la transmettre, et eux ils ont fait le contraire et ils ont contredit leur livre et ils l'ont traité de mensonge. Donc ce messager, hein, le dernier des prophètes et des messagers, il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et il leur ordonne le bien et il leur interdit le mal. Et il le traite de mensonge et il refuse de croire en lui. Et il cache ses descriptions et caractéristiques qui sont mentionnées dans leur livre. Le cheikh il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi il dit, et je dis... C'est-à-dire, lui, c'est le cheikh qui dit, Qultu, hein, c'est-à-dire, je dis, c'est ce verdict-là que l'imam et le Hafiz ibn Kathir nous mentionnent au sujet de ce verset, ça ne se limite pas uniquement aux gens du livre. C'est-à-dire, cette critique et ce blâme de ceux qui cachent la vérité et leur malédiction et la menace qu'Allah leur donne du châtiment humiliant, ce n'est pas spécifique aux gens du livre. C'est un verdict qui est général pour toute personne qui possède une connaissance de la charia qui vient d'Allah, qui vient du livre d'Allah et des messagers, et puis qui le cache aux gens et qui ne leur enseigne pas cette connaissance-là et qui ne leur donne pas la nasiha. Donc il rentre dans cette menace et il est menacé de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la malédiction de toute chose qui peut le maudire parmi les anges, les hommes et les djinns et autres. Et il recite encore une fois le verset: Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Donc le cheikh il mentionne encore une fois ce verset 159 et 60 dans Surat Al-Baqarah qui dit: et ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre des preuves claires et de la guidance après qu'elle a été clarifiée aux gens dans le livre, ceux-là Allah les maudit et tout ce qui est dans la création les maudit, excepté ceux qui se sont repentis, qui se sont réformés et qui ont clarifié leur position. Ceux-là, Allah acceptera leur repentance et il est le grand, celui qui accepte la repentance et qui est miséricordieux. هذا الخطاب عام لأهل الكتاب وغيرهم ونحن المخاطبون به داخلون فيه دخولا أوليا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le cheikh il dit, et donc cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans ce verset, c'est général pour les gens du livre et pour les autres. Et nous, on est adressé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, et on rentre dedans, on rentre dans ce verset-là de façon primordiale et de façon principale, c'est-à-dire c'est nous les premiers concernés, nous en tant que musulmans, c'est nous les premiers concernés par ce verset, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous mentionne des choses dans le Coran au sujet des gens du livre, c'est justement pour nous avertir de ne pas faire la même chose qu'eux, hein. Ensuite le cheikh dit, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le bon conseil, la religion c'est la nasiha, c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil, il l'a répété trois fois. Et ensuite ils ont demandé, c'est-à-dire les sahabas ont demandé au messager d'Allah, hein, pour qui devons-nous donner le bon conseil, ou à qui devons-nous donner le bon conseil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, on doit donner le bon conseil à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, al-nasiha, on traduit par le bon conseil, mais en réalité le terme, le mot nasiha, il a une signification beaucoup plus large que simplement le bon conseil. Et c'est pour ça que lorsqu'on utilise le terme nasiha et qu'on dit qu'on doit donner la nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité ça ne veut pas dire donner le bon conseil, ça veut dire de faire preuve de sincérité, hein, de faire preuve d'honnêteté et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre et envers son messager, hein, et envers les dirigeants des musulmans et envers tous les musulmans en général. Donc ça c'est la signification de ce hadith là. Et donc quand on comprend bien comme il faut ce hadith, on voit que ça comprend la religion en entier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la religion, c'est al-nasiha, hein, pour faire comprendre que ce hadith là, que al-nasiha ça englobe toute la religion au complet. Et le cheikh il dit, afaturidu minni ya hadha al-majhoul أن أترك ما دلت عليه هذه النصوص من الله ورسوله وأسكت عن أصحاب المناهج المبتدعة بعد أن عرفتهم وعرفت مناهجهم بما فيها من أخطاء فاحشة ومن شركيات وبدع وضلالات؟ هذا لا يكون إن شاء الله أبدا, بل سأمضي في بيان النصيحة بحول الله وقوته وأسأل الله الثبات على ذلك حتى ألقاه. Le cheikh il dit, est-ce que tu veux, ô toi, l'inconnu ou l'anonyme, est-ce que tu veux que j'abandonne ce qui est mentionné et clarifié dans ces versets que je viens de mentionner et dans ces preuves de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que tu veux que je me taise au sujet des méthodologies et des voies des gens des Mubtadi'a, hein, après que je les ai connus et que j'ai connu leur manahij et que j'ai connu les erreurs qui étaient dedans, qui sont des erreurs graves, hein, et les formes de shirkiyat qui sont dedans et les formes de bid'a et d'égarement qui sont dedans? Donc tu veux que je me taise et que je cesse de donner la nasiha aux musulmans à ce sujet-là? Il dit non, ça sera jamais, je vais jamais arrêter, inshallah, et je vais continuer de clarifier et de donner la nasiha par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa force, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté dans cette voie-là, hein, et de rester ferme sur cette voie jusqu'à ce que je le rencontre. Donc on voit ici, en fait, dans cette introduction du Cheikh Ahmed al-Najmi, on voit en fait la force de ce grand alim et yani, son courage et sa force et son caractère très fort yani, qu'il avait, et comment il aimait la vérité et comment il détestait le mensonge, et comment il a yani, sacrifié et disons passé une grande partie de sa vie justement dans ce djihad pour la vérité et de lutter contre toute forme d'égarement et de mensonge et de bid'a, yani, peu importe de quel côté il vient. Hein? Donc, alhamdulillah, on va continuer encore. Le cheikh il dit: La sabila ila sukuti ba'da ma'rifati ma fil manhaj al-ikhwani min shirkin wa bid'a. Il dit: On ne peut pas se taire après qu'on ait, une fois qu'on ait connu ce qui est dans le manhaj des ikhwan, des frères musulmans, les ikhwan al-muslimin, quand on sait qu'est-ce qu'il y a dedans comme shirk et comme bid'a, on ne peut pas se taire par la suite. Hein, et il y a plein de musulmans aujourd'hui parmi des gens qui ont été influencés par cette méthodologie des Ikhwan qui souhaiteraient qu'on cesse de parler contre eux et qu'on cesse de les critiquer et qui voudraient qu'on se taise et qu'on arrête de les démasquer. Mais comme le cheikh il dit, on ne peut pas se taire, on n'a pas le droit de se taire et on n'a pas le droit de cesser de clarifier la réalité et la vérité au sujet de ces gens-là. Une fois qu'on a compris ce qu'ils enseignent et ce qu'ils propagent comme bid'a et comme shirk, on ne peut plus se taire. Le cheikh il dit: لقد عرفت تلك المناهج كما قيل عرفتها بشركها وبدعها وضلالها فكيف أسكت كيف أسكت على منهج مؤسسه يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سامح الكل فيما قد مضى وجرى. Donc le cheikh il dit: j'ai connu ce manhaj, j'ai connu le manhaj de ces gens-là, j'ai connu le manhaj des Ikhwan, et qu'est-ce qu'il contient de shirk et de bid'a et d'égarement, alors comment je vais me taire? Il dit: comment je vais me taire au sujet d'un manhaj, alors que le fondateur de ce manhaj, le fondateur de ce groupe et de cette voie, il dit lui-même dans une poésie, dans une chanson qu'il chante, il dit: voilà le Habib, al-Habib, c'est-à-dire voilà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu se présenter parmi al-Ahbab, hein, en parlant des soufis, parce que les soufis ils s'appellent comme ça entre eux al-Ahbab. Il est venu, il est présent, et ça c'est lorsqu'il célèbre le Mawlid. Hein? Il s'imagine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est présent et il vient dans cette fête, hein, lui-même, et il lui donne des caractéristiques qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: samih al-kul fi ma mada wa jara, c'est-à-dire il pardonne à tout le monde pour les péchés qu'ils ont faits et qu'ils ont commis. Donc ça veut dire que il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la caractéristique de pardonner les péchés. Le cheikh dit: فهو يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم حفلهم البدعي ويسامحهم فيما مضى وجرى من الذنوب ويسامحهم ويغفر لهم ذنوبهم وهذا زعم المؤسس لمنهج الإخوان حسن البنا وزعم النحلة الصوفية وأصحابها والله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام إنكاري أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ويدخل في ذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ويدخل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وقد قال تعالى عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. Donc le cheikh il dit: voilà l'idée que se fait cet homme lorsque ils font leur fête, leur mawlid, ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils font cette bid'a qu'on appelle al-mawlid, al-nabawi, il s'imagine que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient, il se présente et il leur pardonne ce qu'ils ont fait comme péché. Et ça, c'est la pensée de celui qui a établi le manhaj des Ikhwan, Hassan al-Banna, hein, et la pensée des soufis et des gens de bid'a parmi les soufis, parce que c'est leur aqidah et c'est leur manhaj, hein, de faire l'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le glorifier avec des qualités qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il mentionne la preuve. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans surat Al-Imran, le verset 135, et ceux que lorsqu'ils ont fait une fahisha, une turpitude, un grand péché, ou qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés en dehors d'Allah? Et le cheikh, il dit que ça, c'est une question, en fait, c'est pour nier que quiconque puisse pardonner les péchés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, entre dans cette parole, c'est-à-dire que même lui ne peut pas pardonner les péchés, hein? Et quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne en dehors d'Allah ne peut pardonner les péchés, c'est-à-dire seulement Allah peut pardonner les péchés. Et il mentionne le verset 80 dans sourate Tawbah qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des munafiqins, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande pardon pour eux, ou que tu demandes pardon ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, même si tu demandais 70 fois pardon pour eux, eh bien Allah ne va pas leur pardonner. Donc c'est-à-dire que le fait de pardonner, ça n'appartient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le cheikh dit, « Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu li aqrabin nas ilayh, ishtaru anfusakum min Allah, la ughni ankum min Allah shay'a. » Et il dit, « Wa fi dhikr al-rukubi fi safar, علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وياخذ به. » Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit même aux gens qui sont les plus proches de lui dans sa famille, yani, sauvez-vous vous-même parce que je ne peux rien faire pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Hein? Donc ça, c'est pour faire voir et pour faire comprendre aux gens, hein, que ça, c'est des choses qui montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas pardonner les péchés. Donc comment cette personne peut venir et prétendre, hein, que yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut pardonner les péchés? Donc ça montre une aqida qui est fausse. Et le cheikh, il mentionne beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Il mentionne beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là dans la suite. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce qu'on fait un cours, on avait dit que c'est de 8h à 9h. Donc maintenant, ça y est, on a atteint l'heure, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va continuer, Inch'Allah, la suite, hein, à partir de cet endroit-là. Puis on va continuer à clarifier les exemples et les preuves pour vous faire comprendre et pour qu'on puisse comprendre tous ensemble le danger de ces idées-là. Et que lorsqu'on, juste pour clarifier, pour terminer en même temps, pour conclure ce premier cours, c'est que lorsqu'on analyse ou on juge ou on étudie n'importe quel groupe, n'importe quel jama'a, n'importe quel individu, da'ya ou personne, la première chose qu'on doit prendre en considération, c'est sa aqidah. C'est quoi sa aqidah? Si l'aqidah il est bon, inshallah, le reste va être bon. Mais si l'aqidah il est pas bon, si sa aqidah elle est mauvaise, eh ben le reste il est pas bon. Même s'il a des bonnes actions, même si le reste paraît bien, c'est pas correct. Parce que l'aqidah, c'est la base. Hein? Donc on voit que celui-là, il a une aqida déjà qui est croche, qui n'est pas correcte, qui est contraire à la vérité. Donc c'est normal que par la suite, son groupe et son organisation et ses actions sont contraires à la vérité aussi. Et c'est ça ce qu'on observe, et c'est ça ce qu'on voit dans tout ce que ceux qui suivent cette voie suivent. On voit que ils ont plein de problèmes, et ils font des problèmes, ils font le désordre. Donc on va clarifier ça, inshallah, bi-idhnillah. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et à demain, inshallah, wa jazakumullahu khairan.